cratère s'ouvre. La lave m'appelle. Chaque souffle brûle. Chaque lame est cruelle. Rideskill murmure. Son nom éclate. La foule succombe. Le volcan éclate. Comme roche en fusion. Chaque mot frappe, chaque cri détonation. Riderskill charme ses murmures serrés. La foule tremble, happée, brûlée. Tes yeux s'enflamment comme des brèves. Chaque vibration déchire mes plaies. S'élève dans les flammes. Chaque soupir consume nos âmes. Le feu jaillit, mes veines s'embrasent. Chaque silence hurle, chaque souffle écrase. Riderskill règne, sa voix m'enchaîne. La foule brûle, engloutie de paix. Dans la sang, chaque mot frappe, chaque cri s'étend. Je prononce ton nom comme prière. Chaque mot consume la terre. Whisper deep. Comme une éruption, chaque mot gronde, chaque cri détonation. Riderskill charme, ses paroles m'obsèdent. La foule succombe, happée, possédée. Tes lèvres s'ouvrent comme des failles. Chaque vibration m'écorche, m'assaille. Ton nom résonne dans les flammes. Chaque soupir dévore nos âmes. La roche craque, le monde s'embrase. Chaque note frappe, chaque souffle s'écrase. Riderskill règne, sa voix enchaîne. La foule brûle, prisonnière de la peine. Ton souffle gît, ta voix s'élève. Chaque murmure me cloue dans les rêves. Consume comme un brasier. Chaque mot pèse, chaque souffle incendié. Riderskill charme, son nom résonne. La foule succombe, la lave tonne. Ton nom s'élève comme un volcan. Chaque vibration m'enchaîne au néant. Je me perds dans le feu sacré. Chaque mot m'attend. attache à jamais. Whisper deeper. Chaque cri résiste, rien ce qu'il charme, son nom demeure. La lave respire, guidée par son âme.